Tu t'es glissé dans ma vie sans faire de bruit, sans prévenir. Comme une brise qui adoucit un cœur qui ne sait plus quoi sentir. T'avais pas besoin de mots, juste d'un regard posé pour allumer ma peau, là où je pensais plus vibrer. Et je me suis laissé toucher par ta manière d'exister. Sans faire de bruit, tu m'as appris qu'on peut aimer sans se trahir. Sans faire de bruit, t'as reconstruit tout ce que je crois. Tu m'as jamais demandé d'être plus que ce que je suis, juste d'oser regarder ces blessures que je fuis. Et dans ton silence clair, j'ai trouvé ma vérité, une lumière légère qui m'aide à respirer. Et je me suis laissé toucher par ta manière d'exister. Sans faire de bruit, tu m'as appris qu'on peut aimer sans se trahir. Sans faire de bruit, t'as reconstruit tout ce que je croyais fini. Tu m'as rendu le courage de recommencer une page. Même quand la nuit s'installe, ta douceur reste égale. Ton cœur parle assez fort pour chasser mes remords. Sans faire de bruit, tu m'as appris qu'on peut aimer.